Première partie, chapitre 5e de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 5e. Qu'il faut commencer par purifier l'âme. Les fleurs, dit l'époux sacré, commencent à paraître dans notre terre. Il est temps d'émonder les arbres et de les tailler. Quelles sont ces fleurs pour nous, aux filotés, sinon les bons désirs? Or, dès qu'ils se font sentir à notre cœur, il faut s'appliquer promptement à le purifier de toutes les œuvres mortes et superflues. Dans la loi de Moïse, une fille étrangère qui voulait épouser un Israélite devait quitter la robe de sa captivité et se faire raser les cheveux et couper les ongles. Et cela nous apprend que, quand une âme aspire à l'honneur d'être l'épouse de Jésus-Christ, elle doit se dépouiller du vieil homme, se revêtir du nouveau en quittant le péché, et puis retrancher de sa vie toutes les superfluités qui peuvent la détourner de l'amour. Pour guérir l'âme, ainsi que pour guérir le corps, il faut commencer par se décharger d'un mauvais amas de corruption, et c'est ce que j'appelle purifier le cœur. Cela se fit en un instant et parfaitement dans saint Paul, et cela s'est encore fait dans sainte Madeleine, sainte Pélagie, sainte Catherine de Gênes, et quelques autres saints ou saintes. Mais un tel avantage est un aussi grand miracle dans l'ordre de la grâce que la résurrection d'un mort dans celui de la nature, et nous ne devons pas y prétendre. La guérison de l'âme, filotée, comme celle du corps, est lente, ne s'avance que par degrés, peu à peu, avec peine et à loisir. Et l'on croit même qu'elle n'en est que plus sûre, car vous savez ce que dit le vieux proverbe, que les maladies viennent à cheval et en poste, et qu'elles s'en vont à pied et au petit pas, jugées ainsi des autres infirmités spirituelles. Il faut donc ici, au filoté, beaucoup de patience et de courage, hélas! Que je plains ces personnes qui, se voyant sujettes à plusieurs imperfections, commencent, après quelques mois de dévotion, à s'inquiéter et à se troubler, prêtes qu'elles sont à succomber à la tentation de tout quitter pour retourner sur leurs pas. Mais une autre extrémité aussi dangereuse est celle de certaines âmes, qui, par une tentation contraire, se croient dès les premiers jours affranchies de leurs mauvaises inclinations, qui pensent être parfaites sans avoir presque rien fait, et qui, prenant le grand vol sans avoir d'aile, s'élève à ce qu'il y a de plus sublime dans la dévotion. Ô filoté, que la rechute est à craindre pour avoir voulu se tirer trop tôt des mains du médecin. Elle devrait bien considérer les anges de l'échelle de Jacob qui, ayant des ailes, y montaient cependant par ordre, d'échelon en échelon. Ah, dit le prophète royal, il vous est bien inutile de vous lever avant que le jour soit venu. L'âme qui remonte du péché à la dévotion est comparée à l'aube du jour, laquelle en s'élevant ne dissipe pas les ténèbres en un instant, mais peu à peu, et d'une manière imperceptible. Jamais personne n'a mieux pratiqué ce conseil de bien purifier le cœur que ce saint pénitent qui, ayant été déjà lavé de son iniquité, demanda néanmoins durant toute sa vie d'en être toujours lavé de plus en plus. Ainsi, cet exercice ne devant et ne pouvant finir qu'avec notre vie, ne nous troublons point à la vue de nos imperfections. Notre perfection consiste à les combattre, et d'ailleurs nous ne saurions ni les combattre ni les vaincre sans les sentir et sans les connaître. La victoire même que nous en espérons ne consiste pas à ne point les sentir, mais à n'y point consentir. Au reste, ce n'est pas y consentir que d'en être quelquefois incommodé. Il faut bien dans ce combat spirituel que pour l'exercice de notre humilité, nous nous attendions à recevoir quelques fâcheuses atteintes. Cependant, nous ne sommes jamais vaincus que quand nous avons perdu la vie ou le courage. Or, les imperfections et les fautes véniales ne peuvent nous faire perdre cette vie spirituelle de la grâce, que seul le péché mortel nous ravit. Et il n'y a rien à craindre, sinon de perdre le courage. Mais disons à Dieu, comme David, « Seigneur, délivre-moi de l'esprit de lâcheté et de découragement. » C'est donc pour nous une douce et heureuse condition dans cette milice spirituelle que de pouvoir toujours vaincre, pourvu que nous voulions toujours combattre. Fin du chapitre 5e. Première partie,